إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On est arrivé au hadith 72, 14e leçon. Hadith 72. عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. On rapporte de Abdullah ibn Abi Bakr que dans la lettre adressée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Amr ibn Hazm, on peut lire seuls ceux qui sont tahir, purifiés, touchent le Coran. Hadith rapporté par Malik. Donc, dans notre livre, livre de Bulugh al-Maram, et dans le livre de Subul Salam, qui est l'explication de Bulugh al-Maram, Subul Salam al-San'ani, il est fait mention de Abdullah ibn Abi Bakr. Et juste après, même ici dans Bulugh al-Maram, selon Abdullah ibn Abi Bakr, qu'Allah l'agré, an Abdullah ibn Abi Bakr radiallahu anhu. Donc ça sous-entend que Abdullah ibn Abi Bakr, c'est un compagnon. Puisque c'est marqué juste après, radiyallahu anhu. Et San'ani l'a dit que c'est Abdullah ibn Abi Bakr Siddiq, que c'est Abdullah le fils de Abu Bakr Siddiq, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier calife. Donc le compagnon, Abdullah, fils du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une erreur. C'est en réalité Abdullah ibn Abi Bakr Ibn Muhammad Ibn Amr Ibn Hazm. Ça c'est une erreur de l'auteur et de celui qui a fait l'explication de ce livre là. Donc mettez qu'Allah l'agré entre parenthèses. Et ce n'est pas, c'est un tabi'i et ce n'est pas un compagnon. Abdullah Ibn Abi Bakr, ce n'est pas Abdullah Ibn Abi Bakr Siddiq. Non, c'est un tabi'i. C'est un tabi'i, rahimahullah. Il est mort en l'année 135 de l'Hégire, à l'âge de 70 ans. Et Amr ibn Hazm, c'est le grand-père de Abdullah ibn Hazm. D'accord? On rapporte de Abdullah ibn Abi Bakr que dans la lettre adressée par le prophète à Amr ibn Hazm. Amr ibn Hazm, c'est le grand-père. C'est le grand-père de Abdullah ibn Abi Bakr. Donc Amr ibn Hazm, c'est un compagnon du prophète sallam, et le prophète sallam l'a désigné comme gouverneur sur Najran. Najran, c'est où? C'est où? La Syrah du prophète sallam. C'est où? C'est où Yémen? Nasara Najran. On a parlé de ça. C'est les chrétiens de Najran. Et c'est, le prophète sallam l'a désigné comme gouverneur. C'est un compagnon. Ça, c'est Amr ibn Hazm. Il lui envoya une lettre. Il lui envoya une lettre où il y a beaucoup de prescriptions. Il y a beaucoup de lois dedans. Il y a les indemnités, les rançons, il y a les lois qui gèrent la zakat. Et parmi ces règles-là, il est mentionné que seuls les tahirs, les purifiés, ont le droit de toucher au Coran. Ont le droit de toucher le Coran. D'accord? Et l'auteur, il a dit que Malik a rapporté ce hadith en tant que mursal. Mursal, c'est que mursal, c'est le tabi'i. Des fois, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sans intermédiaire. Il fait tomber l'intermédiaire. Le tabi'i, il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou le tabi'i. Quelqu'un qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ben, quel est l'intermédiaire? Qui lui a rapporté ça? Personne lui a rapporté. On dit Mursal. Il a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'intermédiaire entre Abdullah ibn Abi Bakr et le compagnon et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'existent pas dans ce hadith comme il est. D'accord? Parce que il y a une rupture entre Abdullah ibn Abi Bakr et son grand-père. Il n'y a pas une rencontre. Il manque un intermédiaire. Les savants, ils disent, il manque un intermédiaire entre Abdullah ibn Abi Bakr et son grand-père. D'accord? Et c'est pour ça que Malik, il a dit, c'est un hadith mursal. Et le mursal, il fait partie de quoi? Il fait partie des hadiths da'if. D'accord? Parce que l'intermédiaire n'existe pas. Et il ajouta, l'auteur, Ibn Hajar al-Asqalani, rahmahullah, il ajouta, il dit, Nasa'i ibn Hibban l'ont rapporté avec un isnad continu. Ça veut dire, ils ont comblé ce trou-là. Comment continue? C'est-à-dire, selon Abdullah ibn Abi Bakr, selon son père, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé à Amr ibn Hazm, cette lettre-là. D'accord? Donc, Abdullah ibn Abi Bakr, selon son père, selon son grand-père qui est Amr ibn Hazm. Donc là, la chaîne est continue. Nasa'i ibn Hibban, il rapporte ce hadith-là avec cette chaîne-là. Et donc, ça comble ce manque-là et ça fait remonter le hadith au Sahih. Donc, on va dire pourquoi il est Sahih déjà. On va dire pourquoi il est Sahih. Et même ce hadith-là, malgré sa continuité, il est défectueux, il est ma'loul, comme a dit l'auteur, rahimahullah. Il a dit, wa huwa ma'loul. Ma'loul, ça veut dire, ma'loul en arabe, c'est quelqu'un de malade. Il y a une défection dans ce hadith-là. Il est ma'loul, comme a dit l'auteur, car dans sa chaîne de transmission, il y a Sulayman ibn al-Arqam, qui est très faible, da'ifun jiddan. C'est pour cela que Abu Daoud, Abu Zar'a al-Dimashqi, Salih ibn Muhammad, Abu al-Hassan al-Harawi, Abd al-Haq al-Ishbili, tous ces savants-là l'ont qualifié de faible. Et d'autres, donc, ils l'ont qualifié de faible à cause de la présence de ce rapporteur-là. D'autres, ils ont qualifié ce hadith d'authentique, tel que Ibn Hibban, Al-Hakim et Al-Bayhaqi. Pourquoi ils l'ont qualifié d'authentique? Ils l'ont qualifié d'authentique non pas du côté de l'isnad, mais parce que c'est un hadith célèbre. Et Shafi'i et Ibn Abd al-Barr, il a dit, cette lettre qui a été envoyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est célèbre. Chez les narrateurs de Sira, on trouve cette lettre. Cette lettre avec les prescriptions, tout le monde en parle. Il se trouve chez Ibn Sa'd et les autres narrateurs de la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, qui l'a rapporté de qui? Isnad, d'accord, la chaîne des rapporteurs est faible. Il y a des rapporteurs qui sont faibles dans le hadith là, mais cette lettre on la trouve dans les livres, on la trouve chez beaucoup de gens, elle est célèbre. Et ils disent c'est impossible que ça soit quelque chose de qui n'est pas authentique, et c'est impossible que ce soit quelque chose qui ne remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants l'ont reconnu, donc ils ont reconnu cette lettre là et ils étaient unanimes là-dessus, donc c'est ça qui a fait remonter ce hadith-là au hadith authentique. Et les compagnons, certains ont parlé de ce hadith, les tabi'in, ils ont parlé, ils ont mis en pratique, non pas rapporté, mais ils ont mis en pratique ce qu'il y a dans cette lettre-là. D'accord? Donc ça c'est des preuves comme quoi ils reconnaissent cette lettre-là. Et l'Hakim, rahimahullah, il rapporte, il a dit que le calife Omar ibn Abd al-Aziz et l'imam de son époque, ça veut dire l'imam Zuhri, ils ont témoigné que cette lettre est authentique et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a envoyée. Donc la célébrité de cette lettre renforce l'authenticité du hadith. Et ce hadith-là a des hadiths témoins. C'est pas la lettre qui a des hadiths témoins, c'est pas la lettre. Là, on a parlé de du hadith, de la lettre qu'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Amr ibn Hazm. Là, on dit le texte qui est dedans, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que seuls les purifiés ont le droit de toucher le Coran. Cette phrase-là a des témoins. Il y a le hadith selon Hakim ibn Hizam, qui a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé au Yémen, il m'a dit, ne touche pas le Coran, sauf si tu es en état de pureté. Et ce hadith-là, il est rapporté par le Hakim et Dharqutni. Il est qualifié d'authentique par le Hakim, il est qualifié de Hassan c'est bon. Par Al-Hazimi, qualifié de faible par Nawawi. Il y a aussi hadith selon Uthman ibn Abi al-As. Il est rapporté par Tabarani dans son Mujma' al-Kabir. Et le hadith aussi selon Omar ibn al-Khattab, rapporté par Ibn Majah. Mais il est faible. Ce hadith de Omar, il est faible parce que dans son Isnad, il y a deux rapporteurs faibles. Saïd ibn Muhammad et Ibn Jurayj. Et il y a aussi ce que rapporte l'imam Malik dans son Muwatta, avec un Isnad authentique que Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas a dit, je tenais le Coran pour mon père, ça veut dire mon père Sa'd ibn Abi Waqqas. Et après, je me suis gratté. Et Sa'd, il me dit, est-ce que tu as touché ton sexe? Il a dit oui. Il a dit, refais tes ablutions. Donc ça, c'est une preuve comme quoi le fait de toucher le sexe annule les ablutions. Et si on annule les ablutions, on n'a plus le droit de toucher le Coran. Ça, c'est la preuve. On peut dire que c'est une preuve. C'est un témoin. Et donc, ce hadith-là, il est authentique, ou au moins Hassan, assez bon, grâce à ces shawahid, à ces témoins. Maintenant, il y a des questions qui se posent. Questions de jurisprudence. As-il afiqiyya. Quel est le statut juridique de la récitation du Coran par cœur, sans toucher le Coran, lorsqu'on est en état d'impureté mineure, lorsqu'on est sans wudu? Lorsqu'on est sans wudu, quel est le hukm? Le hukm que c'est autorisé. Et l'imam Nawawi a dit dans ses livres, Al-Majmou' et Tibyan, fi adab hamalat al-Qur'an, il a souligné qu'il y a ijma'. Il y a ijma' sur le fait de réciter le Coran par cœur, même si on n'est pas en état de wudu. D'accord? Ça, c'est une question. On la met à part. Maintenant, quelqu'un qui est en état d'impureté mineure, est-ce qu'il peut toucher le Coran? Quelqu'un qui n'est pas en état de wudu, est-ce qu'il peut toucher le Coran? Là, on distingue deux thèses. La première thèse, c'est le madhhab de l'jumhur. Dans les quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, l'imam Ahmed, ils disent qu'il n'est pas autorisé de toucher le Coran. Jumhur, l'ulama. Et leurs arguments, c'est le hadith de Amr ibn Hazm. Hadith qu'on a dit, le témoin. Et de, le hadith 72. Et le hadith aussi de Hakim ibn Hizam qui est rapporté par Al-Hakim et Dar-Qutni. C'est le hadith témoin. Et il y a le hadith selon Uthman ibn Abi al-As rapporté par Tabarani. C'est un hadith témoin aussi. Et le hadith selon Omar par Ibn Majah, bien qu'il soit faible. Et le hadith selon Sa'd ibn Abi Waqqas rapporté par Malik. Quand Sa'd il a dit à son fils, lève-toi et va refaire tes ablutions. Et ils disent, parmi leurs arguments, le verset du Coran, La yamassuhu illa al-mutahharun. Et c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. Illa al-mutahharun. Ils disent qu'il y a deux tafsirs, deux exégèses de ce hadith, de ce verset-là. Il dit, le premier, c'est que La yamassuhu luha, que dans un livre bien gardé que seuls les purifiés là il revient au Coran. Il y a une exégèse qui disent que ça revient au Coran, que c'est le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala parle que le Coran il doit pas être touché que par les gens qui sont purifiés. Et une autre exégèse, ils disent la yamassu illa al-mutahharun. Al-mutahharun, ils disent c'est les anges. D'accord? Et ce livre-là, c'est la table gardée. Bon. D'accord. Donc, il y a deux explications. Certains disent que ce hadith-là, c'est une preuve, que quand Allah, il dit, dans un livre bien gardé, et c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. Ils disent que seuls les purifiés touchent quoi? Touchent le Coran. Ils disent, ça revient au Coran. D'autres exégètes, ils disent, ils touchent quoi? Ils touchent la table gardée, ça ne revient pas au Coran, et que Allah, il parle non pas de Mutahharun, il ne parle pas des êtres humains, mais il parle des anges. Donc, ceux qui ont dit que les purifiés, ça veut dire ceux qui sont en état d'eau. et ils ne doivent pas toucher le Coran. Ça, c'est une preuve en leur faveur. D'accord? Donc, selon l'une des deux exégèses, le pronom « que » revient au Coran. Mais il y a une question qui se pose. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à celui qui n'est pas tahir de toucher le Coran. Hadith d'Amr ibn Hizam. D'accord? Il dit que la personne qui n'est pas tahir, que seuls ceux qui sont tahir peuvent toucher le Coran. D'accord? Mais est-ce que tahir veut dire purifier, veut dire purifier du wudu, ou bien veut dire croyant? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innal mu'mina la yanjus » Le croyant n'est pas impur. Donc, est-ce que tahir veut dire croyant ou veut dire celui qui n'est pas en état de wudu? D'accord? Parce que certains qui considèrent que le hadith de Amr ibn Hazm est authentique, ils disaient, écoutez, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans cette lettre que seuls les tahir peuvent toucher le Coran, il veut dire les croyants. Qu'ils soient en état d'impureté, en état de wudu ou non. Et c'est ce qu'a marqué aussi le Cheikh Shaqra dans une petite risala, le livre de Cheikh Albani. Il a dit, même si on dit que ce hadith est authentique, il a considéré que ce hadith n'est pas authentique, il dit, même si on considère que ce hadith est authentique, tahir ne signifie pas obligatoirement quelqu'un qui est dans un état d'impureté. Tahir, ça peut aussi signifier mu'min, croyant. Donc ça, ce n'est pas une preuve comme quoi celui qui n'est pas en état de wudu n'a pas le droit de toucher le Coran. Vous avez saisi le sens? D'accord. Mais ceux qui contestent cet avis-là, ils disent, écoutez, parce que je m'hors le ulama, la foule des savants, ils disent, tahir, c'est celui qui n'est pas, qui est en état de wudu et non pas le croyant. Ils disent, pourquoi? Parce qu'ils disent dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le Coran, Allah, il ne nomme pas les croyants tahir. Ce n'est pas répondu, ça. Ce n'est pas répondu. Allah, il dit sur les musulmans, ils disent mu'min, ou muslim, ou abdullah. Mais tahir, on ne le trouve pas. Donc ce tahir-là veut dire quelqu'un qui est en état de wudu. Hein? Ils disent tahir. Allah, il donne pas le nom de tahir aux croyants. Ça, c'est pas répandu. C'est pas une chose fréquente dans le Coran et dans la Sunna pour qu'on puisse dire que tahir, ça veut dire croyant. Mais quand il veut dire croyant, il dit Abdullah ou il dit mu'min. Et donc, le sens de tahir ici, c'est en état, celui qui est en état de wudu. Et de même, dans le hadith de Hakim, de, rapporté par le Hakim, oui, de Hakim ibn Hizam, rapporté par Al-Hakim et Dar-Qutni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Hakim ibn Hizam. Il a dit à Hakim ibn Hizam, selon Hakim ibn Hizam, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé au Yémen, il m'a dit, ne touche pas le Coran, sauf si tu es tahir. Sauf si tu es tahir. Donc c'est un hadith qui est qualifié d'authentique par Al-Hakim, mais de Hassan par Al-Hazimi. Et alors, qu'est-ce que ça signifie tahir dans ce cas? Est-ce que Hakim ibn Hizam est musulman ou non? Il est musulman. Il est croyant. Le prophète sallam a voulu l'envoyer au Yémen. Il est déjà musulman. Et quand il lui dit ne touche pas le Coran qu'en étant tahir, est-ce que ça signifie qu'en étant musulman? Il s'adresse à un musulman déjà. Donc en étant du wudu. Donc c'est le sens qu'on peut sentir. Parce qu'il ne s'adresse pas à un mécréant, il s'adresse à un musulman. Et il dit, tu ne dois pas toucher le Coran, sauf si tu es en état, tahir, ça veut dire, dans ce cas-là, en état de wudu. D'accord? Donc ça, c'est une preuve comme quoi tahir signifie en état de wudu. Et l'Utaymin, Cheikh l'Utaymin, dans l'explication de Zad al-Mustaqna, il a dit, c'est ce sens-là qu'on choisit. Actuellement, aujourd'hui, c'est le plus connaisseur de la langue arabe. Je ne dis pas le plus connaisseur, c'est l'un des plus connaisseurs de la langue arabe. Et ils disent « tahir », ça signifie « celui qui est en état de wudu » et non pas le musulman. Et ajouté à cela, le hadith rapporté par Malik, quand Sa'd ibn Abi Waqqas, il a dit à son fils « est-ce que tu as touché ton sexe ?» il a dit oui, il a dit lève-toi et refais tes ablutions. Ne touche, c'est comme s'il lui dit ne touche plus le Coran en état, dans cet état-là. D'accord. La deuxième thèse, maintenant c'est le premier avoui, c'est l'avis de Jumhur l'ulama, qu'il n'est pas autorisé pour celui qui n'est pas en état de wudu de toucher le Coran. Maintenant la deuxième thèse, c'est le madhhab d'Ibn Hazm. Madhhab d'Ibn Hazm, mais aussi choisi par Cheikh Albani actuellement. C'est le madhhab d'Ibn Hazm, qu'il est autorisé pour celui qui est en état d'impureté mineure de toucher le Coran. Et ses arguments, c'est quoi? C'est le hadith de Amr ibn Hazm. Il dit le hadith de Amr ibn Hazm. Et les autres hadiths ne sont pas authentiques, sont da'if. Lui, il voit que ces hadiths-là sont faibles. Et il dit aussi la lettre envoyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Héraclius. Héracle, le message au roi. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé la lettre, qu'est-ce qui est marqué dans cette lettre? Le verset du Coran. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Donc il y a ce verset-là du Coran aux gens du livre. Venez à une parole commune entre vous, entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres comme seigneur, pour seigneur en dehors d'Allah, puis s'il tournait le dos, dites, soyez témoins que nous sommes musulmans. Donc c'est un verset. Et on sait que Héraclès, c'est un kafir, c'est un mécréant, et c'est un mouchrik. Et le prophète sallam lui a envoyé la lettre. Et il sait que s'il lui envoie ce message-là, il va le toucher. Donc il va toucher le Coran et il va lire le message, il va lire le verset du Coran. Il dit donc, si le mécréant a le droit de lire le Coran, a le droit de lire ces versets du Coran, donc à plus forte raison, le croyant, même s'il est en état d'impureté mineure, a le droit de prendre le Coran et de le lire. D'accord? Vous avez touché le sens. Donc ça c'est les deux avis des savants là-dessus. Mais on va détailler, inshallah, après. Mais avant, on rentre d'abord dans le hadith 73. Parce que, il est au sein du sujet. Hadith 73. An Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih rawahu Muslim wa allaqahu al-Bukhari. Aïcha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prononcer le nom d'Allah, d'évoquer Allah, d'évoquer le nom d'Allah à tout moment. Et c'est un hadith rapporté par Muslim et par Al-Bukhari. Par Al-Bukhari sans isnad. Allah, vous savez ce que ça veut dire? Allah suspendu. Regardez. Le plus haut degré, c'est quoi? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le compagnon. Et puis le tabi'i. Et puis des fois, le rapporteur, comme Bukhari rahmallah, Il ne donne pas les intermédiaires entre lui et les rapporteurs ou le compagnon. Il ne donne pas. Donc il enlève volontairement. Des fois, il enlève une partie du isnad. Et comment il devient l'isnad? Suspendu. D'accord? Il n'y a pas d'intermédiaire. Et c'est ce qu'on appelle mu'allaq. Mu'allaq, le collecteur du hadith ou celui qui écrit, le savant dans son livre, il donne des fois des hadiths mu'allaq. Il ne mentionne pas l'isnad. Et dans le Bukhari, il y a des mu'allaq qui sont da'if, il y a des mu'allaq qui sont sahih, etc. Et des fois, il enlève l'isnad. Il dit, Abu Huraira a dit, sans chaîne de rapporteur, sans intermédiaire entre lui et Abu Huraira. Il le dit dans le sens du commentaire ou dans le sens d'appuyer un autre hadith, etc. Et c'est ce qu'on appelle mu'allaq. Mais c'est un hadith authentique. Ce hadith est rapporté par le muslim sous le chapitre Al-Hayd, les monstres, et par le Bukhari, sans isnad, comme on a dit, mu'allaq, sous le chapitre aussi de Al-Hayd, sous le chapitre des monstres. Il est également rapporté par Abu Awana. Il est même Nawawi, rahimahullah, il a dit qu'il y a unanimité des savants sur le fait que celui qui est en état d'impureté mineure ou majeure peut prononcer le nom d'Allah, peut louer Allah, peut le glorifier. Il a dit, il y a ijma' que celui qui n'est pas, qui est sans wudu ou qui est en état de janaba, ou la femme menstruée a le droit de dire Subhanallah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, a le droit de d'évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam muslim, il rapporte selon Jahm ibn al-Harith ibn al-Simma que pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait de Bi'r Jamal, un homme le rencontra et lui lança salam. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, salamu alaykum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas répondu. Il n'a pas répondu aussitôt. Il s'est dirigé vers un mur et il a fait tayammum. Il s'est essuyé comme ça, il s'est essuyé le visage et la main. Et puis il a répondu, il a rendu salam à cet homme-là. D'accord? Et dans, ça c'est la version de Muslim. Et dans la version d'Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il me répugne d'évoquer Allah sans être en état de purification. Il me répugne d'évoquer Allah sans être en état de purification. D'accord? Et les six rapportent, les six sauf le Bukhari, ils rapportent qu'un homme passa à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam urinait. Il lui lança le salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui répondit pas. Ne lui a pas répondu. Donc, dans le cas où la personne fait ses besoins ou pendant le rapport sexuel, il n'a pas le droit de prononcer le nom d'Allah, il est illicite. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu répondre à cette personne, n'a pas voulu évoquer Allah sans l'état de purification. Mais ça, c'est dans les meilleurs des cas. Ça, c'est dans les meilleurs des cas. Ça veut dire que la personne a le droit d'évoquer Allah, mais dans les meilleurs des cas, il le fait tout en étant en état de wudu. Aïcha, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tous ses états, il évoquait Allah. Et dans ce hadith-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu dire « wa alaykum salam » avant de faire tayammum. Mais ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préféré être dans un état plus haut que celui de l'état où il est, l'état de tayammum, l'état de purification, pour répondre. D'accord? Donc, il est autorisé de dire subhanallah et tout, même si on n'est pas en état de wudu, mais il est préférable d'être en état de wudu pour prononcer le nom d'Allah. D'accord? Certains savants ont déduit de ce hadith-là, de Aïcha, hadith que le prophète sallam avait l'habitude de prononcer le nom d'Allah à tout moment. Ils ont déduit que ce hadith-là, que celui qui est en état d'impureté majeure peut réciter le Coran. Puisque Aïcha, il a dit dans tous ses états, dans tous ses états, ils ont déduit de ce hadith-là que celui qui est en état d'impureté majeure peut réciter le Coran. D'accord? Les savants, ils ont divergé sur cette question. La foule des savants, Jumhur l'ulama, ont dit qu'il est illicite, haram, pour celui qui est en état de souillure majeure, janaba ou de la femme menstruée, de réciter le Coran, même par cœur. Une catégorie de savants, ils disent ça. Et l'imam Tirmidhi, il a attribué cette thèse à la majorité des gens du savoir, comme Sufyan Thawri ibn al-Mubarak, Shafi'i, Ishaq ibn Rahouya. Et c'est le madhhab de Abu Hanifa. Et c'est la version la plus célèbre de l'imam Ahmad, adoptée par la majorité de ses disciples, et une des versions de l'imam Malik. Et leurs arguments sur le hadith, selon Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est en état de janaba et la femme menstruée ne doivent pas réciter, ne doivent rien réciter du Coran. Et ce hadith, il est rapporté par Tirmidhi, qui commenta, on ne connaît ce hadith que par la chaîne dans laquelle il y a Ismaïl ibn Ayyash, selon Moussa ibn Uqba, selon Nafi' et selon Ibn Omar. Donc, on sait que ce hadith-là d'Ibn Omar, où il a dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est en état de janaba et la femme menstruée ne doivent rien réciter du Coran, c'est un hadith dans sa chaîne, il y a Ismaïl ibn Ayyash. Et on sait que Ismaïl ibn Ayyash, quand il prend le hadith des gens du Hijaz, sa version des hadiths est faible. Et donc, ce hadith-là, il est faible. Et Abdullah il a posé, enfin, Abdullah l'a posé, le fils de Ahmed ibn Hanbal, il a posé la question à son père, Ahmed ibn Hanbal, au sujet de ce hadith-là. Et il répondit, c'est un faux hadith. Et même Ahmed, il a jugé que c'est batil. Et ce hadith est également rapporté par le Bayhaqi ibn Majah, mais il est faible. Et Abu Hatim, il a dit, l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une erreur. Et le plus vraisemblable, c'est une parole d'Ibn Omar et non pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, ça c'est leur argument. Ils disent, ça c'est le dalil. Dalil comme quoi celui, la femme menstruée, celui qui est en état de janaba, ne doit pas réciter le Coran. Ils sont appuyés sur le hadith d'Ibn Omar qui est faible. D'accord. Il y a hadith selon Ali, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait le Coran et rien ne l'empêchait de réciter le Coran sauf s'il est en état de janaba. لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة. Donc ça c'est une preuve, il dit c'est une preuve comme quoi le prophète صلى الله عليه وسلم s'il est en état de janaba il ne récite pas le Coran. C'est hadith de Ali qui est rapporté par Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i ibn Majah, par l'imam Ahmed, par l'imam ibn Hibban, l'Hakim ibn Khuzayma. Et Tirmidhi il a qualifié ce hadith d'authentique. Hassan Sahih il a dit. De même ibn Khuzayma. Ibn Hibban, Ibn Hajar, dans Fath al-Bali, explication de Sharh al-Bukhari, il a dit, en vérité, il est du degré de Hassan, et il sert pour être un argument. Et d'autres l'ont qualifié de faible, tels que Shu'ba, Imam Ahmed Shafi'i al-Bayhaqi. Et parmi les contemporains qui ont qualifié ce hadith-là d'authentique, Sheikh al-Allama Ahmed Shakir, dans son commentaire sur Sunan Tirmidhi. Et Sheikh al-Albani, rahimahullah, il a qualifié ce hadith-là de da'if. De faible, voire Irwa al-Ghalil, voire aussi Tamam al-Minna. Et bon, ce hadith-là, wallahu a'lam, est faible. Et même s'il est authentique, ce n'est pas une preuve que c'est illicite de réciter le Coran en état de janab. Même s'il est sahih. Qu'est-ce que c'est mentionné dans ce hadith-là? Suivez bien. Ali, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait le Coran et rien ne l'empêchait de réciter le Coran. Sauf s'il est en état de janab. Donc, même si ce hadith-là est authentique, ceux qui contestent, ils disent, écoutez, ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préféré, il lui répugne déjà de rendre salam, alors qu'il n'est pas en état de wudu, donc, a fortiori, il lui répugne de réciter le Coran s'il est en état de janab. Mais on peut pas déduire que c'est haram. Ça, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, évoquer Allah en état de wudu, en état de grande pureté, c'est mieux. Donc, on peut pas déduire carrément que c'est haram, mais on peut déduire que c'est juste détestable. D'accord? Donc, ça, c'est leur deuxième dalil. Leur troisième dalil, c'est selon Amir ibn Samt, ou ibn Simt, que Ali, radiallahu anhu, a fait ses ablutions, puis il a récité le Coran, devant nous, ça veut dire devant Amr ibn Samt et ses compagnons. Il a récité des versets du Coran devant nous, puis nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité devant eux des passages du Coran, puis il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites de même si vous n'êtes pas en état de janaba. Et celui qui est en état de janaba ne doit rien réciter du Coran. Même un seul verset. Fût-ce un seul verset. Donc ça, c'est hadith de Amr ibn Samt, selon Ali radiallahu anhu. Et ce hadith, il est rapporté par Ahmed, Imam Ahmed, mais c'est un hadith faible. Donc, il ne remonte pas pour être un dalil. Et il se base aussi sur l'avis de beaucoup de compagnons. Ils ont dit que beaucoup de compagnons ont adopté cette thèse. Maintenant, la deuxième thèse. La personne en état de janaba et la femme menstruée peuvent réciter ce qu'ils veulent du Coran. Nous ne parlons pas de toucher le Coran. Attention, faut faire la part des choses. Nous parlons de la récitation du Coran. Ça, c'est la deuxième thèse. La deuxième thèse, ils disent, la personne qui est en état de janaba et la femme menstruée peuvent réciter ce qu'ils veulent du Coran. Et c'est l'avis de Dawood Zahiri. Et l'avis de Ibn Hazm. Et l'avis de l'imam Tabari. Et Tabari, il avait un madhab à lui seul. Et l'avis d'Ibn al-Mundir. Et c'est une version, l'ancienne version de l'imam Shafi'i. Et leurs arguments, c'est quoi? Ils disent l'absence de preuves qui l'interdisent. Il n'y a pas de preuve qui interdit ceci. Et ils disent les hadiths, ils sont faibles. Et ils disent deuxièmement le hadith d'Ibn Abbas, que Abu Sufyan, bon, c'est le hadith des messages que Abu Sufyan a informé Abdullah ibn Abbas de la lettre adressée par le prophète sallam à Héraclius. Il y a le verset du Coran. Et on sait que Héraclius était en état d'impureté, il était dans la mécréance carrément. Et donc, il avait le droit de lire le verset du Coran. Donc, le prophète sallam, il n'a envoyé cette lettre que pour Irak, pour que Irak touche cette lettre et lise ce qu'il y a dedans. D'accord? Mais, donc, si lui, malgré sa mécréance, a le droit de réciter le Coran, donc, à plus forte raison, le musulman en état de janaba et la femme menstruée peuvent réciter le Coran. D'accord? Mais ceux qui contestent ceci, ils disent, écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé cette lettre dans le but de la da'wa. Ils disent, d'accord, il y a le dommage, ce dommage-là que Héraclius va prendre la lettre et il va réciter les versets du Coran. Mais il y a un avantage derrière ça. Et donc, on peut s'autoriser certaines choses dans la da'wa, dans la prédication, comme par exemple pour changer un mal, comme par exemple dans c'est un émir à une police bien spéciale dans ce qu'on appelle le hisba, système de hisba. S'il a des gens qui s'occupent du changement du mal et du pourchas du mal et d'ordonner le convenable, ils peuvent par exemple rentrer dans un bar pour changer le mal. Donc le fait de rentrer dans le bar, c'est un mal, mais ça va, c'est dans le but d'enlever un mal plus grand. Donc le prophète sallam, le fait qu'il lui envoie cette lettre, d'accord, c'est un mal qu'il va toucher la lettre, il va réciter le Coran. Mais ça peut repousser un mal plus grand, ça ramène un bienfait, le fait que Héracle se convertisse à l'islam. Et le seul moyen, enfin le meilleur moyen de toucher son cœur, c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui ont contesté, ils ont dit ceci. Et ils ont dit aussi, écoutez, bon, Héracle, il n'a pas l'a'tiqad, il n'a pas la conviction que c'est la parole d'Allah. Donc s'il le lise, ce n'est pas grave. Et le musulman, il a cette conviction ferme que c'est la parole d'Allah, et malgré son état d'impureté, il va le lire, non. D'accord? Ça, c'est les contestations, les objections de ceux qui s'opposent à cet avis-là. Et l'imam Ahmed, il a dit aussi, il est autorisé de réciter le Coran devant le kafir, devant le mécréant, et on peut lui donner certains versets pour qu'il, par exemple, donner comme cadeau le Coran à un mécréant dans le but de l'appeler à l'islam. Et parmi leurs arguments, ceux qui soutiennent cette thèse, c'est qu'ils disent que la janaba et la menstrue sont des choses naturelles. Des choses naturelles. Et il n'y avait pas un jour ou un instant, qui se passait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas un jour ou un instant qui se passait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que quelqu'un soit en état de janaba et sans qu'une femme soit en état de règle. Donc c'est quelque chose de très très fréquent. Un état entier, un pays, c'est un cycle, les menstrues, c'est un état qui arrive à tous les hommes et tout. Donc il ne se passe pas un jour sans que quelqu'un soit en état de janaba. Il ne se passe pas un jour, on peut le dire ça, statistiquement, il ne se passe pas un jour sans qu'une femme soit en état de, soit menstruée. Et malgré cette fréquence, bien que ce soit très très répandu, normalement les preuves qui interdisent la menstruée à lire le Coran et les preuves qui interdisent la personne de Genève à réciter le Coran doivent être très répandues. Parce que c'est quelque chose courante. Et nous, on n'a pas des preuves. Et les preuves qu'on a sont des preuves d'aïf. Donc ça, c'est un argument comme quoi la femme menstruée a le droit de réciter le Coran. Vous avez compris ce raisonnement-là? Tellement, c'est tellement répandu et on n'a pas de preuves claires. Normalement, si la chose est très répandue, le prophète sallam, il est ferme. Il est ferme. C'est une règle fondamentale que le prophète sallam ne retarde pas le temps pour montrer, pour expliciter une chose quand la situation l'exige. Il ne laisse pas le temps. Il ne dit pas jusqu'à demain et je vais répondre. Non. Quand la situation l'exige, il répond tout de suite. Et là, cette situation, elle est très répandue Et on sait que beaucoup de monde, les compagnons, ils veulent réciter le Coran, les femmes, ils veulent réciter le Coran et tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas de preuve claire qu'il a dit ne récitez pas le Coran. Toutes les preuves qu'on a, la majorité des preuves, sont des preuves d'aïf. Et Ibn Hazm, les savants qui soutiennent cette thèse, dans son livre Al-Muhalla, rapporte qu'Ibn Abbas récitait la surat Al-Baqara alors qu'il est en état de Janaba. Ibn Hazm le rapporte aussi. Et il y a aussi que le Bukhari est musulman. Ah, dans le Sahihain. Ça, c'est parmi leurs preuves. Ils disent que Aïcha radiallahu anha a dit que, ça c'est le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nous partîmes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'intention de faire le pèlerinage et arrivé à Sarif, j'ai eu mes règles. Aïcha, il a dit, j'ai eu mes règles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entra chez moi, c'est elle qui raconte, il entra chez moi et me trouva en train de pleurer. Et il me dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Peut-être que tes règles sont venues. Et il dit, oui. Il répondit à Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, c'est une chose qu'Allah a écrite pour les filles d'Adam. Fais donc tout ce que fait le pèlerin, excepté le tawaf, autour de la demeure, que tu ne feras pas jusqu'à ta purification. Et on sait que le pèlerin récite le Coran. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, fais tout ce que fait le pèlerin. Donc la femme menstruée a le droit de faire ce que fait le pèlerin, sauf salat, sauf tawaf. Donc il a le droit de dire, de réciter le Coran. Il a le droit d'invoquer Allah. Donc ça c'est une preuve qui est solide aussi, qui soutient leur avis. La troisième thèse maintenant. La troisième avis. La femme menstruée a le droit de réciter le Coran, alors que la personne en état de janaba n'en a pas le droit. On va voir la différence. Et c'est le madhab, la thèse de l'imam, le madhab de l'imam Malik. Et c'est une version de l'imam Ahmed, choisie par Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et c'est aussi le madhab de Dawoud, Dahiri et d'Ibn Hazm. Et l'imam Nawawi, dans le Majmou', a dit, c'est la version ancienne de l'imam Shafi'i. Leurs arguments. Ils confirment le hadith de Ali, rapporté par Ahmed, que le prophète sallam a récité devant nous des passages du Coran. Il a dit, faites de même si vous n'êtes pas en état de janaba. Eux, ils confirment ce hadith-là. Ceux qui considèrent que ce hadith est authentique, ils disent, c'est clair, celui qui est en état de janaba, l'interdiction l'intéresse celui qui est en état de janaba et non pas celui et la femme menstruée. D'accord? Le hadith, il est clair, hadith de Ali. Illa al-janub. Et il y a le hadith de Aïcha, qui est rapporté par le Bukhari Muslim, cité ci-dessus. On a parlé de ça. On a parlé du hadith de Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais tout ce que fait le pèlerin, sauf le tawaf. Ne fais pas le tawaf. Donc, elle fait ce que fait le pèlerin. Le pèlerin, il récite le Coran, durant le pèlerinage. Et il y a aussi, d'autres, il y a le hadith aussi rapporté par le Bukhari et Muslim aussi. Et c'est un hadith selon Umm Atiyya. Et ça, c'est pendant les fêtes de l'Aïd al-Kibir, l'Aïd al-Fitr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'on fasse sortir les femmes menstruées pour qu'ils participent avec les hommes, ils participent la joie avec les autres gens et qu'ils fassent le takbir, et ils fassent le takbir avec les musulmans. Ils disent Allahu Akbar avec les musulmans et ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a autorisé à la femme menstruée d'invoquer Allah et de faire takbir, de même de faire talbiya dans le pèlerinage. Et ce sont des choses qu'il n'a pas permises à celui qui est en état de janaba. D'accord? Il a autorisé, il a dit le huyad, akhraj le huyad. Sortez les femmes qui ont, même s'ils ont leurs règles et tout, pendant la fête. Il a autorisé pour qu'ils fassent takbir et participent avec les gens pendant les fêtes. Et dans le pèlerinage, la femme menstruée a le droit de faire takbir, a le droit de faire talbiya, a les mêmes droits que le pèlerin. À faire les mêmes choses que fait le pèlerin. Donc c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à la femme menstruée et il ne l'a pas autorisé à celui qui est en état de janaba. homme ou femme, parce que janaba, ça peut au cours d'un rêve, le rêve ça peut atteindre l'homme et la femme aussi, d'accord, et de même après le rapport sexuel, et c'est ça l'état de janaba, hein, d'accord. Donc il y a le haïd et le janaba, c'est autre chose. Et ils disent parmi leurs arguments, ils disent que, bon, ce sont des choses que le prophète n'a pas permises à celui qui est en état de janaba, ben pour la simple raison que la janaba est un état qu'on peut enlever. Le janaba, on peut l'enlever. On va se laver et on peut l'enlever. D'accord? Ça dépend de notre volonté. Mais alors, l'état des menstrues, la femme menstruée ne peut pas enlever cet état-là. Il doit attendre la période. D'accord? Il ne peut pas. Le janaba, on peut, la femme et l'homme peuvent lever cet état-là. Il suffit qu'il se lave et tout. Mais la femme menstruée, il ne peut pas lever cet état. Il faut qu'il attende la fin des menstrues. Il faut qu'il attende jusqu'à ce que ce sang-là devienne jaunâtre et jusqu'à ce qu'il voit le qassal bayda, le film blanc. Ça veut dire les étapes, il doit vérifier son état jusqu'à la fin de ses règles. Donc il est contrainte en quelque sorte. Donc il y a une différence entre la menstruée et l'homme ou la femme qui sont en état de janaba. Il y a une différence. Donc le statut, il change. Donc le prophète sallam, il a allégé le statut pour la femme menstruée, et il ne l'a pas allégé pour celui qui est en état de janaba, parce qu'il est obligé d'aller se laver. Bon, la suite, inshallah, bientôt. Subhanakallah, bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.